Shérif, shérif, viens voir. Hé, Germaine, je te dis, il y a le Père Noël. Arrête, tu déconnes. Non, non, viens voir. Hé, il y a le Père Noël. Oh, le Père Noël. Papa Noël. Oh, le Père Noël. Oh, il y a le Père Noël. Oh, le Père Noël. No.